je sais pas, il y a Océane qui a couru parce qu'en pensant qu'elle avait 20 euros, mais après, je sais pas ce qu'ils ont enregistré sur Sécutix, s'ils ont enregistré avec les 20 euros qu'ils avaient déjà refilés. Ah, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Belle.